n'est rien de plus amer que de chercher l'amour et de découvrir Elvis. Une des citations absurdes de Rénal Gagné. Je le fais. Vous me l'avez demandé, je le fais. Oui, je vous le refais. Là. Sur le champ. Oh, monsieur. Sur le champ. Il y a des petites corolles. Merci de rajouter parce que c'est de l'écho. Il y a des grands espaces. Je sens le vent. Petit oiseau. Et c'est parce qu'on n'a pas de petit... On n'a pas de petit oiseau. Puis on veut s'imaginer dans un champ. Ouais, mais c'est l'hiver. Mais même l'hiver, il y a des petits oiseaux. Non, mais c'est la fin de l'automne. Mais la fin de l'automne, l'hiver, le printemps, le caramel fondu, les chaussons aux pommes... Oiseau, pas de vie. Hey, pour les gens qui sont en prison, parce qu'on nous écoute dans la prison de Québec, bon courage, les gars. Je sais pas si c'est à la prison des femmes. On nous dit, hein? Non, jamais, parce que les femmes vont prendre des nerfs après toi et ils vont t'égorger. Hey, voyons! Pourquoi des hommes? Ben, parce que c'est de l'humour masculin. Masculin? Oh! Alors, on va vérifier si... Ouais. Oh, ça, celle-là, on l'a déjà entendu, hein? C'est... ah, ouais, OK. OK, alors, c'est l'humour masculin. On va vérifier. Est-ce qu'il y a de la masculine ici? Oh, OK. Alors, pour faire de l'humour masculin, il faut premièrement être sur la ligne. Bon, est-ce que c'est la ligne blanche qu'Alain Bachung chante? Ouais, OK. Pas tout à fait normal, ça, là. Est-ce que ça zigzague sur cette ligne masculine? Ah, là, toute la communauté masculine vont me... Hein? Appelez-moi pas, là. Non, pas intéressé. Non, pas intéressé par cette affaire-là. Il y a assez du plan féminin. Féminin? Le plan hétérogaling. Hétérogaling? Le plan Berling, Balang, Bélo, Pilou, Pau, Pau! Ça, c'est quand je fais mon. Pas mon yoga. Ma professeure me trouvait beaucoup trop souple. Elle m'a dit: fais le goéland en mer. Je me suis dit: le goéland en mer, c'est un oiseau, ça, puis il n'y a plus d'oiseau. On en cherchait un oiseau, puis on n'a surtout pas le goéland. Il n'y a rien de plus épouvantable comme oiseau qu'un goéland. Il y a deux goélands quand même, puis trois goélands, c'est pire que quatre goélands. Six. Plus ils sont nombreux, moins ils sont appréciés. Surtout lorsqu'ils tournent autour de votre tête. Là. Les goélands puis les vautours, même affaire. Ah, c'est... Ou les charognards, là. Est-ce que c'est des oiseaux, des charognards? Oui, oui, quand il y a un cadavre, là, où tu es en train de mourir, tu es dans le désert de Sarah Fachette, là. Oh, il fait chaud, mais oh! Le soleil plombe, puis tu commences à sentir déjà le mort. Là. Et ben, c'est plus là, tu vois les oiseaux bizarres qui te regardent. Laissez-moi tranquille, je ne meurs pas. Je ne meurs pas. Oui. Arrêtez de me demander quoi, je ne meurs pas. Là. Oui, ça c'est l'oiseau moqueur. Oui, monsieur. Je resterai vivant. Je parlerai de cette aventure-là à la télévision. On en fera un documentaire. Je ferai de l'argent et je serai heureux. Je demanderai à mon réalisateur de terminer ce docu par la chanson de... Non, c'est qui? Normand? La balade des gens heureux, c'est Patrick Normand, ça? Non, c'est... Le Normand. La balade des gens heureux, tout le monde sait, la balade des gens heureux. C'est ce que je veux à la fin de mon... Hein? Votre vieille terre est une étoile. Là, on voit au loin avec l'hélicoptère, parce que je me demanderais un plan, bien sûr, de là-haut. Pas d'une colline, là. Je veux pas qu'une grue vienne filmer. Le gros budget, l'hélico. Là, on plombe le rénal qui tourne en rond, puis je veux être personnifié, non pas par moi-même, quoique je suis un grand comédien, ayant gagné le concours du Conservatoire d'art dramatique. Où c'est, à Québec? Non, non, non, non. À Montréal? Non. À Plattsburgh? Non, Plattsburgh, in English, oui, speak French. Ouh! À Sherbrooke? Or Sherbrooke? Pas du tout, non, pas Sherbrooke. Quel est le conservatoire? Le conservatoire de mon imaginaire. Ah, y avait-tu beaucoup d'élèves? J'étais seul. Et je m'aperçois, et la vie qui donne à mesure, la vie qui donne ni me ni moins, et la vie qui bat à mesure, te donne, prédonne. Ça va? Ça va très bien, vous? Ah, moi, depuis hier, là, ça va de mieux en mieux. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On me l'a enlevé, bon! Alors, je répète, bien sûr, la citation absurde. Il n'est rien de plus amer que de chercher l'amour et de découvrir Elvis. Oui. C'est vrai. Excuse me. Mel Elvis Presley. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. La preuve. Mais Elvis, t'étais pas un anglophone. C'était plus qu'un anglophone, Elvis. C'est un États-Unis, anglophone, américano, chanteur. Gaspélien, quelquefois, même. Ghost Beach, non? Je parlais du gospel. Gospel with shoes. Ray le dégénéré. Non, c'est pas ça. C'est Ray le désemparé. Blues. Je pense qu'on le syntonise mal ce soir, l'émission. Monsieur, c'est quoi? C'est de l'amour, ça? On va changer de micro, Jean-Marc. Blues with you. Blues with you. Blues with you. I don't mind. Say my friend. Faut que je vous raconte une histoire qui m'est... On dirait que j'ai un bleu à toi et servir ça. Excusez-moi. J'ai une anecdote à vous raconter. Hier, en me dirigeant vers le travail, puisque j'ai plusieurs emplois, j'étais dans le transport en commun. J'ai intitulé ça. Lully m'a reconduit à cette phrase « Vol d'identité ». Ça, c'est le titre de ce que je vais vous relater dans quelques secondes. Ben, en fait, immédiatement. C'est que hier, en me rapportant au boulot, j'étais dans le transport en commun. Et j'ai toujours les yeux fermés dans le transport. Je me repose les yeux. C'est très rare que je dors peu, donc j'ai souvent les yeux ouverts. Quoi? Hein? Oui. Mais mon animal préféré, le poisson. Pourquoi? Il a toujours les yeux ouverts. Il réfléchit, pouf, s'en souvient plus. Réfléchit, pouf, s'en souvient. Un poisson ne réfléchit pas. Poisson tourne dans le bocal. Ouais, mais tous les poissons ne sont pas dans les bocaux. Hein? Tous les cornichons non plus. Avec ça, c'est vrai. Il y en a un qui s'est sauvé puis fait une émission jusqu'à 2 heures du matin. Ah, mon Dieu, il est vinaigré. Il est vinaigré. C'est un tout petit cornichon. Hey, je sais pas pourquoi je reçois des courriels, des pourriels de médecins chinois qui veulent m'allonger la progéniture. Là. Moi, je te dis une chose. Mes anciennes copines ont parlé à ce médecin chinois-là, c'est Aspong Lamoff, Aspong Lapong. ce qu'il veut, lui, c'est rallonger la chose, là, la... le cigare, hein? Il n'est pas question. Je suis né infirme et je vais mourir infirme. Alors, l'histoire est la suivante. J'étais dans l'autobus, les yeux fermés, pour me reposer les yeux, comme le poisson. Quoique le poisson ne peut pas se fermer les yeux, hein? Alors n'allez pas chercher chez Goggle, Rénal vous le dit. Allez voir Rénal.com, là. Moteur de recherche. Ça tourne, ça tourne, puis on trouve rien. Il y a juste un mot. C'est quoi? Rien. Oh! Qu'est-ce qu'il y a dans le rien? Ben rien, rien, rien, rien, il n'y a rien. Alors l'histoire se passe hier au soir, dans le transport en commun. Ferme les yeux, comme d'habitude. Alors on part. Parce que moi, j'embarque au terminus. Alors on part. Alors, on roule, puis à un moment donné, on embarque quelqu'un, mais je trouve que l'autobus reste longtemps arrêté. Là, il y a une discussion, puis on repart par la suite, et je m'ouvre un œil, et je vois une jeune fille en avant. Bon, quand même bien, elle est à 4-5 bancs de moi. Donc, elle est quand même une distance raisonnable pour qu'une agression ne se passe pas. Et je me referme l'œil. Parce que je m'ouvre juste un mot, c'est comme le bicoque. C'est pas le bicoque, c'est le biceps. Non, c'est le biceps, c'est en dessous du bras. C'est le colonel, non, c'est le capitaine. Voyons donc, c'est le pirate! Troisième œil. Alors, je fais mon troisième œil. Et je l'ouvre à l'occasion pour revérifier si la fille est là. Puis là, plus j'ouvre l'œil, hein, à chaque fois que je ferme et que j'ouvre, elle penche. Mais je dis moi, à moi-même, c'est la sœur de mes hauts penchés. Mais non, c'était pas ça. Alors là, continue, ferme les yeux. On arrive presque à mon boulot. Je sonne parce qu'on tourne. Quand on tourne, je sonne. Sinon, moi, c'est longiligne. L'autobus continue longiligne, longiligne. Le moment où ça tourne, c'est le moment où je dois sonner. C'est une alerte pour moi, là. Alors, je peux m'endormir, mais ça m'arrive jamais de m'endormir dans le bus, dans le transport en commun. Donc, on tourne, ting, je sonne. L'autobus arrête. Je dis, c'est pas mon arrêt immédiatement, là. Faut passer un feu de circulation. Elle arrête, ouvre les portes. Le chauffeur débarque, s'en va en arrière, dans la rue. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Je me dis, ah non, il a frappé un miroir, puis là, il risque de remplir un constat à l'amiable. Ça risque d'être long, puis il faut que je parte. Il me reste 25 minutes avant de compter tous mes trucs, puis d'ouvrir le... Non, c'est pas ça, la police entre. Nous sommes 4 personnes à bord. La police entre. Elle me jette un coup d'œil, elle me repère, parce que moi, je suis l'ami de toutes les polices. Salut les poulets! Non! À l'ananas. Ah, poulalala. Non, je suis très respectueux envers les forces constabulaires. Parce que si, à un moment donné, ça me frappe dedans, là, puis je passe en cours, c'est gagné! Votre émission du 30 novembre 2012, vous avez ri, voyons donc, c'était un jeu, je suis pas capable de parler. Amène-moi l'escalpel. Je vais me décoller la bouche. Vous avez ridiculisé la force constabulaire qui vient en aide à votre corps. Beaucoup plus qu'à votre âme, quoique votre âme devrait être sauvée et non pas votre corps. Alors c'est inconcevable, M. Gagné. Vous allez périr dans une prison à vie, à perpétuer avec une petite toilette puis 2-3 gouttelettes d'eau par semaine. Vous mangez un grain de riz par mois. Et vous aurez un papier hygiénique par année. Ah, mon Dieu Seigneur, c'est aussi pire qu'à Mexique, au Mexique. Alors, le policier entre, me voit, il me fait un petit salut. Bonjour, la police, bonjour, c'est moi, il s'avance devant la jeune fille. Jeune fille, se fait interroger par la police. Alors, tu vas pas. Non, c'était beaucoup plus calme que ça. Mademoiselle, la jeune fille. Là, je me suis rendu compte qu'elle était totalement saoule. J'apprends qu'elle a 17 ans. Là, la police lui demande ton prénom. Je sais pas comment ça dans sa tête. Elle dit Rénal. Là, la police me regarde. Rénal? Rénal qui? Elle dit Rénal Gagné. C'est cinglé. Elle me connaît pas. Je la connais pas. Moi, c'est la première fois que je la vois, 17 ans. Monsieur le juge, je ne connais pas, madame, mademoiselle. Je n'ai pas rencontré ça dans un bar. Je n'ai pas rencontré mademoiselle nulle part. Je n'ai plus rien à voir là-dedans. C'est sûr. Je suis un innocent. Hey, là, la police me regarde. Comment ça, Renan le Gagné, là? Hey, là, la jeune fille. Monsieur, hey, monsieur la police, vous entendez pas ce qu'elle dit, là? Elle dit pas Renan le Gagné, elle dit un autre nom. Mais il y a un nom. Là, il se rapproche l'oreille devant cette bouche qui lui redit, il murmure à l'oreille. Et là, il sort de ses gonds. Renan le Gagné, là, en me pointant du doigt. Et vous, mademoiselle, vous êtes qui? Elle lâche pas le morceau. Elle continue. Moi, je m'en vais devant elle. Hey, arrête donc, toi, là, là. C'est de l'usurpation, ça, là, d'identité. Toi, t'es pas Renan le Gagné. Tu vas dire ton vrai nom. Là, elle se met à pleurer. Renan le Gagné, j'arrête, toi, là. Là, pendant ce temps-là, là, le chauffeur, ben non, c'est pas regarder là, sa carte, là. Hein? C'est Nania Nounon. Pas Nania Nounon. Nania Nounon. Ah, mon Dieu. Non, non, non. Oui, Nania Nounon. Ah, pas ce nom-là. Nania Nounon. Là, la police, elle dit, là, on va aller vous reconduire, mais non. Là, on va vous envoyer en cause. Non. Là, je dis à la police, non, on va pas plus loin. Là. Moi, je veux juste me rendre au travail, compter mes cigarettes, compter mes loteries, ben, dire bonjour aux pouilleux, ben, serrer les mains des prostituées puis embrasser toutes les jeunes filles. En plus, c'est ma dernière, c'est jeudi à vendredi. S'il vous plaît, mon émission va passer dans quelques minutes. Priez pour moi, pauvre Seigneur. On sort la jeune fille dans une civière. On endort Rénal, on le couche sur le banc. Une fois arrivé à l'arrêt, on le tire dehors. Là, il pleut, là, ça me réveille. Ah, je titube jusqu'au travail. L'autre commis, il était en retard, pas en retard. Il m'est arrivé une histoire. Puis, oh mon Dieu Seigneur, c'est jamais facile. Hein? Je vous dis que j'aimerais bien ça, que ce soit autrement. Mais Monsieur le Président, Monsieur le Patron catholique, Mesdames les voluptés, les fauches résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. À quoi bon faire cette émission? C'est déjà parti, là. Si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, moi-même. Aujourd'hui, le vendredi 30 novembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, monsieur le juge. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, je resterai calme, monsieur le pré-pubème. Hein? Oui, monsieur. Oui, je ne ris pas. Une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Myriam Roulet, dite Robert. Elle est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète française, née le 14 octobre 64 à Paris. Oh non, j'ai dit ça à date! Non, mais je veux dire 64 plaisirs d'amour que nous embrassons cette jeune femme-là. Elle n'est pas née en 64. Elle est née en 84. En l'an 2084. C'est pas encore passé, ça, non. C'est à venir. C'est une avant-gardiste. C'est une artiste qui franchit. Non, qui quoi? Qui est robuste? Non, qui, comment t'appelles ça, là, quand l'agriculteur cultive? Non, oui, il défriche. Oui, elle défriche. L'art musical. L'art de l'expression corporelle. Et l'art de l'interprétation. Également danseuse et comédienne, elle évolue dans un univers à mi-chemin entre le féerique et le tragique, parfois avec une pointe d'absurde. La mort, l'enfance et l'amour reviennent régulièrement dans ses écrits. En juillet 2012, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, avec cette demoiselle. Un voyage chargé pour cette nuit. Pourras-tu le faire? Pourras-tu le dire? Tu dois tout essayer. I'm lost. Tu dois devenir. Tu dois voir plus loin. Tu dois revenir. Égaré en chemin, I'm lost. Tu verras le pire. Pour trouver le sud, sans perdre le nord. Après la certitude, I'm lost. Au-delà des bords, I'm lost, but I'm not stranded yet. lost but I'm not stranded. Dans les yeux des femmes, dans la Marie-Jeanne, dans la technocité, I'm lost pour manipuler. Grand combat de chair, I'm lost, colline enflammée, I'm lost, dans l'ombre ou la lumière, I'm lost pour l'halluciner, pour courir ventre à terre, brouillard et fumée, consommer, consumer, I'm lost, recracher de l'air. Dans le dérisoire, I'm lost. Dans les accessoires, I'm lost. Dans le feu des possibles, au cœur de la cible. Dans la paranoïa, dans la schizophrénia. Un maniaque opéra, I'm lost. Pharmacopéra, I'm lost. But I'm not stranded yet. Lost, but I'm not stranded. J'ai juste les moyens de l'acheter en photo haute def, mm-hmm. mais j'ai pas les moyens de l'acheter dans les Alpes. Donc, comme je suis têtue, j'ai fait avec mon petit doigt, j'ai suivi les montagnes. Je vois Italie, Autriche, avec hors de prix et tout. Puis à un moment donné, je vois Carpates. Tu sais où ça? Et j'ai vu, c'est en Roumanie. Ouais. J'étais sur internet, je vais voir s'il y a des agences. Il y en avait deux. Okay. Donc, une avec une photo de la maison, le chalet, tout qui c'est me fait. C'est que tu voulais dans ta tête. Exactement. Et je me suis dit, bon, vu le prix, il y a une usine nucléaire à côté. Mmh. C'est sûr. Mmh. J'ai Mathieu, bon, on y va. On y va, on prend du black dans la poche. On prend du black dans la poche. Oui, oui. Traduction en bas de l'écran, en bas de la radio. Et puis on voit, elle me dit, ah mais t'es folle et tout. Je dis, on n'est pas obligé d'acheter. Non, oui, on va voir. On va voir. Ouais. Donc on prend un billet d'avion pour Sibiu, bah, pour un endroit en Roumanie. Oui, oui, oui. Et donc dans parce que Carpates ça veut dire Alpes. Ok. Hein, Carpates ça veut dire Alpes. Okay. Et donc on arrive là et puis là on prend le taxi pour aller dans le village que j'avais repéré sur internet. Je vois la maison. Et tu vois l'environnement surtout, tu vois. Sublime, l'environnement magnifique, la dernière maison du village au pied du chemin qui monte dans le truc de fou avec un verger énorme, immense, un jardin. Princesse. Magnifique. Ouais. Parfait. Donc je me suis dit, bon, si je commence à vouloir doubler l'agence, c'est pas correct quand tu rentres dans un pays. Ouais. On commence déjà par être correct. bien paraître. Voilà, donc je me suis dit, on va aller voir l'agence. Pour être respectueux. Voilà, pour être respectueux. Et puis, bon, on va négocier avec eux. Et en fait, dans la semaine, on l'a acheté. On est devenu résident roumain. Comment on peut faire pour être résident roumain? Il faut pouvoir avoir une maison dans lequel tu vis suffisamment. C'était fait. Ouvrir un compte bancaire. Ok, on a mis quelques dollars juste pour lire. Voilà, okay. C'était c'est pas des euros, c'était des lei. Des lei. Voilà, donc on a mis des lei sur le compte et puis on est devenu résident roumain. Et on a pu dormir de nuit dans le chalet. Oh. d'un romantisme incroyable. Voilà, et puis on est reparti. Et après, on a découvert qu'en France, en plus, on pouvait se faire payer le voyage si on était roumain. D'accord, pourquoi? Parce que les Français confondent les Roms et les Roumains. Okay. Et donc, comme ils renvoient les Roms avec 300 euros parce qu'ils ont... Alors, tu vois gratos, non? Non, non, je déconne. Okay. Ah, déconne. Voyons, c'était gros, je déconne. Okay. Mais... Oui. Voilà, et les Roumains n'aiment pas les Roms non plus. Ouais. Ils n'appellent pas les Roms, ils appellent les Gypsies. Oui. Et ils leur tapent les Gypsy King. Voilà. Ouais. Mais les Gypsies, bon, en fait, c'est les gens du voyage, c'est tout. En fait, ils viennent d'Inde. Et ils sont encore moins aimés en Roumanie, c'est ça qui est terrible, hein, qu'en France, c'est-à-dire qu'on leur tape dessus, c'est coups de pied, c'est carrément des mendiants, mais tu te crois au Moyen-Âge là-bas. Donc je dirais heureusement qu'ils viennent chez nous, parce qu'au moins... On les respecte un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Pas beaucoup, ouais. Alors qu'en Roumanie, on ne les respecte pas du tout. Mais quelqu'un qu'on respecte, c'est Anthony Dallant, pour venir Anthony Dallant. Alors donc, voilà, j'avais fait cette chanson, je vois Anthony à la télé, je dis, mais Mathieu, peut-être que c'est pas toi, t'es pas comédien. Pourquoi je ne demande pas Anthony? Parce qu'au départ, ça devait être lui. Au départ, on avait pensé que c'était lui, forcément. Parce que toi et ton copain. Bah oui, parce que c'était un texte que voilà, que j'avais écrit en pensant à lui. En fait, c'est un discours entre deux personnes. Hein. C'est un dialogue entre deux personnes, ouais, Skype. Oh, voilà. Oui. Et donc, très bonne chanson. C'était notre humour. Et ça me surprend que ce soit pas radiophonique, ça, en passant. Quand je l'ai écouté, puis... Je pense qu'il y a aussi... là, on va rentrer un petit peu dans le off de la radio, mais... Il y a des radios qui ne t'aiment pas. Okay. Ça fait 20 ans qu'il y a une radio qui ne m'aime pas. Okay. Qui est la première radio qui ne passe pas qui passe des chansons françaises. Okay. Et ça fait 20 ans qu'elle... mon premier album, quand il est sorti, donc c'était Sine, je me souviens, j'étais devant ma télé et je vois le programmateur de cette fameuse radio qui présente mon album à la télé en disant « Voilà ce qu'il ne faut pas faire. » Oh, ouais. Je me dis « Bon, je suis mal barré. » Et en fait, depuis, je suis blacklistée, quoi. Donc, je passe pas sur les ondes en France. Ok. Bon, alors... C'est les ondes de l'État. Je vais pas donner la radio. Ok, on peut pas dire France Inter, ok, parfait. On peut pas dire France Inter, ok, voilà. Parfait. Okay. Donc, j'ai refait une tentative. On m'a dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas toi, c'est tes chansons. C'est pas toi, c'est tes chansons, mais toi, c'est tes chansons. Mais le problème, c'est que j'ai quand même une carrière assez longue, ça fait 20 ans. Oui. Un peu plus, sur toutes les chansons que j'ai faites, me dis pas qu'il n'y a pas une chanson qui peut passer sur France Inter, sur une radio. Sur une radio, française. Ouais. Je connais, c'est un vrai connard. Oui, je l'aime. Christ is Attendez! Arrêtez! Allô? Allô? Oui! Ouvre ton micro! Ben oui, mais il était pas fermé! Bon, il y a un tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Oh! Il s'est fermé tout seul. Ben oui! C'est Saint-Esprit! Oh, je pensais que c'était Marie-Madeleine. La fautive. La fautive, c'est toi. Si t'es dans ce merdier, c'est de ta faute à toi. La fautive, c'est toi. Il fallait pas parler d'amour et j'étais... Ça te suit pas le tempo? Moi, j'ai le tempo dans la peau. La fautive, c'est toi. Si t'es dans le merdier, c'est de ta faute à toi. La fautive, c'est toi. Il ne fallait pas parler d'amour, etc. La fautive, c'est toi. Il n'y a plus qu'un dame, ne te prend qu'à toi. La fautive, c'est toi. Fallait pas parler d'amour, etc. Il ne fallait pas parler... C'est la finale. C'est merveilleux, ça, c'est toujours émouvant. Il ne fallait pas parler... Ouais, mais ça finit pas, hein. Il y a des chanteurs, là, comme Bruce Springsteen. Fallait pas... Bruce Springsteen. Prends 20 minutes pour finir une chanson. C'est pour ça qu'il en chante juste 6. Ça dure 3h30, cette chanson, parce que le solo de guitare, là, fring, fring, ça finit plus. Fring, fring, fring, fring. À un moment donné, hey, Bruce. Non, mais entre lui et moi, là, c'est Bruce. Pas Bruce, c'est Bruce. Lui, il m'appelle Riri, mon adoré. Avec moi, puis Bruce, ça. Il dit, rentre dans ta brousse, mon Riri dégénéré. J'ai Bruce, tranquille, mon Bruce. Arrête de te prendre pour Jimi Hendrix avec fring, fring, fring, fring, fring pendant 45 minutes pour une fin de chanson de Born in the USA. Si on la connaît, Born in the USA, on sait qu'à la fin, c'est pau, fini de même, là. Fait pas tant. Il se prend pour Frank Zappa. Hey, wow! Wow, le Bruce. C'est toi qui vas rentrer dans ta brosse. Ou dans ta brosse. Là, il y a trop de cheveux. Hey, c'est vrai, pas de bon sens. Il y en a qui ont fait leur carrière avec leurs cheveux. Surtout les femmes. Hey, Blondie. Qui d'autre dans avec leurs cheveux? Ah, c'est... Mets ta main dans mes cheveux, là. Mets la main dans mes cheveux. Mets-moi jusqu'à demain matin. Mais si c'est bien ou mal, je me fous de ce qu'on dit. Ce soir, la vie me fait mal. J'aurais besoin d'une amie. Il s'était là, il s'en veillant. Là, ici, maintenant. Et monsieur, oui, c'est... Alléluia, c'est le tourloute, la tourloute des années dures. C'est un film québécois, ça. Regardez ça, c'est extraordinaire. Ça nous représente. Comme le film de Denis Arcand, on est au coton. On est au coton à Winnie, à Winnie. Elle m'a dit comment la déboulonner, la dépiécer. Oh, je voudrais mon rénal. Je voudrais bien te décomposer entre les mains. Ouais. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil. Je fausse en parlant. Même pas, jamais en chantant, juste en parlant. En parlant, et bien des années plus tard, j'ai mes gilets noirs. En parlant, c'était bien le con de se faire traiter de con. En parlant, tu parles d'un con. Enchanté. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Non, c'est la santé. À ta santé, mon Charles. Laissons-le. On va l'essayer, hein? Veux-tu faire une petite sieste? De 15 secondes. OK? On y va. Il ronfle pas, hein? 15 secondes déjà. Il va être en pleine forme après, vous allez voir. Faites-vous en pas. Vous êtes un public quand même, hein? Consciencieux. Ils s'en font pour ça. On les dit, il se réveillera pas. Mais OK, c'est terminé, mon Charles. Laissons-le lui suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraits de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction. L'introduction? Comment ça, intro? Il y a eu trop, Mme Tremblay, il y a eu trop! C'est des rats, c'est pas des rats, c'est... Ben oui, c'est votre mari, c'est un méchant rat, ça. pas capable de peinturer votre maison, madame. Vous êtes obligé de faire ça par un peintre agréable. Trop agréable, hein? Vous l'avez aimé, lui, hein? Oh, il fait tout, hein? Il peint, il dépeint, il vous a décapé. Oh, ouais, quelle expérience unique! Demandez pas ça à votre mari, il est plus capable de décaper, lui. Oh, mon Dieu. Non. Mais pour une autre femme, il serait bien... plus jeune. Tandis que lui, c'est un homme à tout faire, hein? Il faut voir votre peintre... il décape. Oh, elle s'en souvient encore. Elle va pleurer. Oh, c'est beau. Prends une photo, Jean-Luc. Prends une photo, on va mettre ça dans une revue, on va vendre ça, ça va faire de l'argent. Ah oui. Pleurez, madame. On va l'aider à pleurer. Pleurez. Et plus les oignons, toi, là, mon insigne. Pleurez. Hey, plante une caméra là, tu filmes-moi ça, prends des photos. Ah ouais. Hey, il y a des médias là qui tournent 24 heures sur 24, ils veulent avoir des images de même. Ah ouais, fais ça pleurer. On va appeler ces télés-là. Ouais. Allô, nous avons ici un corps rare. Allô? Bon, OK, un corps rare. Pas un corps mort, un corps rare. Bon. Écoutez, on lui a fait dire des choses. Là. C'est une jeune une dame là, de 48 ans. Elle a trompé son mari parce qu'il voulait pas peinturer son intérieur. Et puis, bon, OK. Alors, il y a des photos d'elle. Hein. Si vous avez... Êtes-vous associé à des journaux, vous? Oui. Il dort pas, hein? Êtes-vous à Québec? Québec, il dort pas. C'est une maison d'édition, Québec, il dort pas? Bon, Québec, il dort pas. Réveillez-vous pas, là. Surtout, faites... Vous avez des gens qui achètent ce genre de choses-là? Bon, c'est quoi? C'est des consommateurs? Hey, faut être con en avant. Faut-tu être imbécile? Non, mais gardez ça, c'est merveilleux, hein? Comment ça coûte? Comment ça paye si j'ai... Pas ça coûte, mais ça paye. Comment ça paye si j'ai 6 photos de cette dame-là, là, qui a trompé son mari avec son peintre trop agréable? Là, des larmes, là, gros plan. Moi, c'est un Pentax Comil analogique. Oui, j'ai gonflé ça à 400 ISO. J'ai agrandi ça noir et blanc, mais c'est beau. Ça fait penser à... Avez-vous vu le film Jeanne d'Arc? Vous avez vu ça? Vous avez de la culture? Vous travaillez pour Québec Rare? Moi, ça, le monde, son culture, pas trop culturé, vous, là. Vous êtes vers l'intérieur, hein? Oui, c'est ça. Alors, Jeanne d'Arc, hein? Les larmes, c'est beau, on pleure. Mais elle aussi, c'est la même chose. 600$ la photo. Là, j'ai une vidéo que j'ai pris en même temps, là. J'ai épluché des oignons, ça paraît pas, par en dessous, là. Ah! Elle aime bien ça par en dessous, là. Elle épluche des oignons, ça pleure. Gros plan de ça. Pendant 3 minutes et 27 secondes, puis il y a des sanglots, là, en surround digital. Ça fait... Avec de l'écho. Hey, attendez. On peut-tu mettre de l'écho? C'est à peu près comme ça, là. Je vais pas vous le... Pour moi, j'ai 3 000$ là-dessus, là. Mais c'est vraiment émouvant, là. Les bonnes femmes et les bonnes hommes, ils vont bonnément s'accoupler à votre chaîne spécialisée, là. C'est 24 heures sur 24, ces informations-là, hein? On a perdu le way, attendez. C'est 24 heures sur 24, ça, hein? Allô? Hein? Hey, attendez! Excusez-moi, ils viennent nous chercher. Allô? Attendez, c'est le chaos, là. Sommes-nous? Oui, nous sommes. Allez-y. Bon, ouais. Les gens sont perdus. Alors, la phrase du Bukowski, parce qu'on va se réveiller, c'est un cauchemar. J'ai peur. Il fait noir. Encore un jour sans amour. Encore un jour qui s'enfuit. Ah oui, allez voir. Hein? Vers les sentiers. Oui, on enchaîne. Oui. Ouais. Ouvrez-moi, puis je vais me déchaîner tout seul, s'il vous plaît. Hey, ça fait mal aux chevilles, aux chenelles, puis aux chenoules. Surtout les chenoules. On peut... Non, OK. On va garder les chenoules tranquilles. Je me suis dit, on frappe à la porte. Je me suis dit... Ben oui, je me suis dit, on frappe à la porte. Et j'ai regardé le réveil à peine 13h30. Bon Dieu! C'est pas écrit bon Dieu, c'est écrit bon Dieu. Mais là, je fais ça à la sauce québécoise. Voulez-vous que je répète? Non. Non, voulez-vous que je répète? Non. Je vais répéter. Non. Non? OK. Ben oui, 13h30, je me suis couché à 12h05 dans un état surnaturel. J'avais trouvé 3 fantômes dans mon placard, une paire de lunettes, une prothèse dentaire, Ça, c'est sans parler. La prothèse, ma mère, qui était dégonflée. Mais là, pas dégonflée à peu près, là. Dégonflée à 45%, c'est-à-dire c'est un petit liquide, là, comment t'appelles ça, amniotique? Mais c'est pas amniotique, t'es-tu malade, toi, c'est dans le ventre de la maman. Oh! Alors, c'est pas amniotique, mais non, c'est la maman. Oh, dans le ventre de la maman. Oh, mon. Alors, ils mettent pas ça dans les pour grossir les... Ben, voyons, t'as-tu déjà vu ça? Ben, quoi que tu peux te nourrir avec ça, là. Ça vient du sein au sein. Si l'enfant veut, à un moment donné, peut-être... Ben, ouais, il va mourir. C'est, je sais pas, c'est du glucose. Ben, voyons, il met pas de glucose là-dedans. Qu'est-ce que tu connais dans les seins mammaires? Ouais, c'est vrai. Alors, 15h05, midi 5, les seins mammaires, j'avais mal à la tête. Ça m'est tiré vers le bas. Ah, ben, c'était ma couture, là. Elle m'avait cousu ça beaucoup trop. Elle m'a dit, tu vas maigrir. Ben, on va cintrer ça au moment où je serai plus maigre. Là. Mais là, c'est pas le... Regarde, je suis un gros tas. Je suis pas encore un svelte jeune homme comme Marlon Brando. C'est pas Marlon de Brando, c'est Marlon de Brando. Bon. Si je fais comme Gérard Depardieu, là, je maigris, j'agrandis, je rétrisse. Je maigris, j'agrandis, je rétrisse. Je maigris, j'agrandis, je rétrisse. Je maigris, j'agrandis, je maîtrise. Ah oui, je maigris, je maîtrise. Ah oui, je maigris, je maigris. Excusez-moi, le titre de cette phrase, de cette nouvelle de Bukowski, c'est « Quartier désagité à l'est d'Hollywood ». Musique. 1, 2, 3. Tu es pour moi le symbole vivant des amours romantiques qu'on découvre à 30 ans. Ton corps me fait vibrer, dans tes bras je m'enivre. Mon cher Albert, mon cher Albert, lorsque tous deux ensemble nous vivons, mon ventre sur ton dos formant un édredon, que j'ai donc du plaisir à contempler ta nuque. Mon cher Albert, mon cher Albert, tu fais pour moi des choses aphrodisiaques. Tout nu dans la cuisine, tu me lis du Mauriac. Lorsque j'entends ces mots, je l'avoue, ça m'excite. Mon cher Albert, mon cher Albert, comme Pollux et son copain Castor, comme Isolde et Tristan, comme Sodome et Gomorre, nous sommes réunis par un amour unique. Mon cher Albert, mon cher Albert, je vais pourtant encore te demander une dernière grâce pour mieux me contenter. Lorsque tu viens m'aimer, garde donc ta soutane. Mon cher Albert, mon cher Albert, oh mon cher Albert, mon petit Albert, oh mon bel Albert, oh mon amour d'Albert, everybody sur Albert, oh mon cher Albert, tous ensemble avec Albert, oh mon petit Albert, encore une fois, sur Albert, oh mon amour d'Albert. Oui. Donc j'ai demandé à m'expliquer et on m'a dit, oh mais non, ça n'a rien à voir avec vous, c'est pas ça. J'ai dit, oh ben vous me rassurez. Là, il se trouve effectivement que Skype, ça ne convient pas, mais renvoyez-nous des chansons, il n'y aura pas de problème, on vous répondra. Et la réponse que j'ai eue pour le j'ai reproposé une chanson, ouais. Et on m'a dit, mais vous, enfin, vos chansons, n'êtes pas le format France Inter. Donc ça c'est bien de moi. Okay. Donc je pense que je prends un œuf ou un bœuf. Ça, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est voilà. Bloqué. J'ai pas la tronche France Inter. De la radio française. Non, de la radio française, mais pourtant c'est de la musique, donc il n'y a pas de tronche à la radio. C'est la personne qui ne doit pas m'aimer. Oh, oui. Et puis c'est pareil, par exemple, je ne suis pas invitée aux Francopholies de La Rochelle, ouais. Parce que le staff des Francopholies, Robert, ben, ils n'aiment pas. Okay. Or, il se trouve que celui qui m'a viré de chez Sony, celui qui s'occupe, qui s'occupait, enfin c'est lui qui m'avait viré chez Sony en fait. Alors c'est toi qui dois préparer tes spectacles, préparer tes salles, préparer Alors c'est mais en même temps c'est merveilleux parce que tu gères tout, tu sais où tu t'en vas. Tu Alors c'est l'avantage. Et c'est l'inconvénient. Et c'est l'inconvénient, mais en même temps l'avantage est plus grand que l'inconvénient. Oui. Parce que malgré tout, quand je vois ceux qui ont pu passer à la radio pendant quelques temps, quand ils ont été abandonnés, ils n'ont pas su comment réagir, alors que moi finalement. Comme j'étais abandonnée dès le départ et que je me suis autoproduite, j'ai tiré un public qui m'est resté fidèle, qui fait qu'aujourd'hui, bah, je peux encore me faire... L'Olympia, tu peux faire des salles. Même si je fais que des affiches sur Internet, il y a... Internet est là pour ça aussi, pour connaître et voir des chanteurs qui passent nulle part ailleurs. Voilà, et puis en plus, tu vois, là récemment, j'étais carrément en colère parce qu'il ne s'agissait pas de moi et donc forcément, j'étais encore plus en colère. Je vais dans un magasin français qui vend des disques et pour ma promo à moi. Et on peut pas dire Fnac, mais on dira pas. On dira pas Fnac. Okay. Voilà. Et donc je leur demande parce que je me fais toujours offrir un petit cadeau puisque en ce moment ils ne payent même plus le voyage, ils ne font plus rien. Bon, donc t'as même ton piano parce qu'ils peuvent même plutôt faire le piano. Voilà. Okay. Donc t'es obligé de venir avec toutes tes affaires et tu payes tout. Mm-hmm. Ok. Et puis je leur demande pourriez vous offrir l'album de Brigitte Fontaine parce que moi j'adore Brigitte Fontaine. Ah oui. Bon. Ok. Et elle me dit mais les Brigitte, le groupe le. Brigitte Fontaine. Et elle me dit ah bon je vais voir. Elle me dit mais non on l'a pas mais c'est vieux, c'était de l'année dernière. Hey, c'est incroyable. Non, mais attends, incroyable. La fille elle sort un album en juin ou en septembre et on me dit en mai que son album est vieux et qu'il est plus dans les bacs. C'est Brigitte Fontaine. Oh, oui. C'est pas n'importe qui. Non. Je dis pas n'importe qui là, non. dis Brigitte Fontaine. C'est tout. Donc là il y a un moment donné où je me faut suis calmée. Exagérer. Ouais, mais faut pas exagérer. Au départ je leur avais demandé le Peanut Vendors. Bon, okay. Ouais. Ils l'avaient pas, je me dis allez. Ok, je peux comprendre. C'est un peu plus recherché. Je peux comprendre. Ouais. Mais quand ils m'ont fait le coup avec, avec le Wonders qui était sorti en septembre. Oui. Hein, qui est déjà quand même pour eux de la vieille chanson française. De la vieille chanson. Non, parce que c'est pas la vieille chanson, c'est sur la chorégraphe Pina Bausch. Ok. Du film de Wim Wenders. Ah oui. Un film de Wim Wenders sur la chorégraphe Pina Bausch. Oui, ça fait exactement quelques... Ça fait quelques mois c'est sorti. 9 mois, 9 voilà, je l'avais déjà vu au cinéma avant que ça sorte, ouais. Donc je voulais juste, voilà. Et pareil, hein, ils m'ont dit, ah bah non, on l'a pas. Alors je dis, bon, ça c'est un peu recherché, ok, allez, on oublie, donc je dis, je vais prendre le Brigitte Fontaine. Et c'est là qu'on me dit, bah non, c'est vieux. Et ça prouve que les gens qui travaillent dans le milieu du disque connaissent vraiment pas les chanteurs, les chanteuses. Il y a aussi que à force aujourd'hui, ça se referme tellement, on passe de moins de choses en radio. On soutient moins en moins les artistes. Après, on dit qu'il n'y en a plus. Mm-hmm. Alors, heureusement, il y a à nouveau un truc qui se fait, c'est les télés crochets. on en arrive à dire heureusement, alors qu'au début, on disait oh, mais quelle horreur. Et puis maintenant, il n'y a plus que ça. Donc, j'en suis à me dire, ben, moi, maintenant, si je voulais commencer dans ce métier, ben, je le ferais. Ouais. Mais je le ferai parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Tu n'envoies plus une cassette dans une maison de disques qui de toute façon ne dépensera pas un rond pour toi parce que c'est plus parce qu'ils n'ont plus envie. D'abord, honnêtement, il faut bien savoir que tous ces majors, que ce soit Sony, parce que je connais en particulier Sony, puisque je suis restée quand même 6 ans, ils sont là pourquoi ils sont en France. Pour justifier leur présence, c'est des grosses majors américaines et voire japonaises, qui justifient leur présence pour vendre leur. Produits mondiaux, que ce soit Michael Jackson dont je suis fan, ou les gens. Non, des gros, non, Madonna. Madonna ou autre. Ouais. Et ils ont un quota de chanteurs locaux à signer. Donc tu fais partie du quota, mais quand l'attaché de presse vient voir les radios et qu'il faut qu'elle place Michael Jackson ou quelqu'un d'autre et qu'elle a Robert dans le fond de sa liste, tu penses bien qu'elle va pas se battre pour que ce soit toi qui passe, puisqu'elle elle est payée au rendement. Swear that but you just don't know why. But you know, honey, Ouais, je fausse même en faisant du gâteau. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Non, ils sont tous partis. Bon. Il n'y a même plus Jean-Pierre Mocky. Mocky. Ah, le Mocky qui est ici est reparti. Pierre Mocky, vous êtes... Hey, c'était indiqué sur vos feuilles. Si Mocky entre, barrez les portes. C'est le réalisateur que je voulais rencontrer une fois dans ma vie. Il y a Mocky. Il y a François Truffaut, mais il est avec Brassens, Brel. L'autre qui est décédé, Pauline Julien. René Lévesque. Simone Cigaret. Bon temps. Daniel Sbourg. Alain Machon. Alright. Cette semaine, et ça, c'est qui ça? Mais ça, c'est celui qui va mourir là, dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et voilà, il est parti rencontrer ses amis. Un autre mort. Il y a plusieurs morts. Pendant 120 minutes, là, je ne sais pas, peut-être 50 000 morts. C'est à la seconde. Combien? 2 morts à la seconde? Plus que ça. Faudrait changer de rince-bouche, mon Renal. C'est... ouais. Sinon, si tu ne changes pas de rince-bouche, faut cesser de déboucher. Oh, c'est une belle... C'est un halage. Qui? Un halage. Cette semaine, qu'est-ce que c'est ça? L'adage, le plumage, le racolage, le sectionnage. Cette semaine, je peux pas aller plus loin, ni un peu plus haut. Ouais, je sais, on veut que je me rende un peu plus loin, mais comment c'est là-haut? Tiens mon bras, surtout mes cheveux. C'est très résistant, vous allez voir. Oui, tiens les cheveux. Je balote le vrai. Tiens les cheveux, tout la rend, tu verras, tu t'iras bien. Cette semaine, qu'est-ce que ça fait devant le... Ah ouais, donc, vas-y, OK. Et je que j'ai du concept. Nous marchons jusqu'à... Je suis fatigué. Est-ce qu'on peut arrêter... On peut demander à la boule d'arrêter. La boule, la terre. Est-ce que la terre peut s'arrêter quelques minutes? Non, quelques secondes. Un centième de seconde. Avons-nous la terre? La terre? Oh, pour la première fois, la terre, vous êtes là? OK. Hey, vous êtes fatigué, vous, hein? Oui. Est-ce que c'est chronique, votre terre? C'est la première fois. Attention, là, est-ce qu'on peut s'arrêter pendant quelques minutes, oui? La Terre, non. Tu continues à tourner, toi, OK? Bon. C'est la première fois dans toute l'histoire mondiale. Mais c'est vrai, là. Wow! Appelez-nous 640-2575, 640-418, 640-418. Appelez-nous et dites-moi. Dites-moi à quel moment... Vous avez entendu à la radio ou à la télévision ou dans les journaux parler la Terre? Jamais! Errance rénaldienne a la primeur. Là, je suis tout excité. Ouais. Alors, Terre? OK. Hey, tu tournes depuis des milliards d'années, hein? Oui. Le Big Bang. C'est pas facile, le Big Bang, hein? OK. Toi, t'es resté dans un traumatisme, là. Parce que si on examine tout ça, là, t'es pas une boule. Non, t'es comme une vieille patate. Hein? Il y a comme des mécanismes de l'intérieur, des implosions, hein, c'est ça, hein? Ah ouais, ben oui. Hey, t'as la voix de ma chatte quand elle a accouché de ses trois chatons. Eh oui. À chaque fois qu'elle elle en expulsait un, elle faisait... Ouais. Toi, c'est vrai que... Combien d'enfants mets-tu au monde à chaque seconde? C'est des millions et des millions. Juste enchaîne pas tes enfants, enchaîne! Ouais. À Québec, c'est 2-3. C'est pas des francophones, hein? Elle n'ose même pas le dire. Je te comprends, t'as. Moi-même, quand je vois ça ici, comment Québec s'en va, je vais plus rester ici. Je vais quitter. Hein? Non, je parle pas de suicide, là. Non, mais je veux quitter le Québec. Non, je veux pas rester ici, à Québec. Sur la terre, oui, mais pas ici. Je veux vivre dans une francophonie où l'amour de la langue se noue à la culture. Et même elle va dans ma direction. Terre, dis au public de CKRL, aux membres et aux non-membres, parce qu'il y a des non-membres. Il y a des non-membres, des non-membres, des non-membres. Moi, je suis un non-name, mais des non-membres. Excusez-moi, le non-name, c'est pas de l'anglais, ça, hein? Non, c'est du français? Non, c'est pas, on parle pas là-dessus, non. On ne parle pas là-dessus, ma belle terre. Hein? Belle terre. C'est un poète, ça? Belle terre, l'autre terre, blatère, déblatère. Oh, déblatère! Est-ce que la terre déblatère? Elle vit un cauchemar depuis plusieurs... C'est les humains qui t'ont rendu de même, ma pauvre, hein? Ben oui. Là, faudrait, là, tous les auditeurs, à mon goût, on se frappe la joue pour avoir fait souffrir la terre. OK? Alors, si vous avez quelque chose là devant vous, retirez-le. Disons, combien de centimètres? Un pied, et monsieur, OK, un pied. Et comment la gifle très, très mollassonne ou... Oh, agité, OK, on y va. Un, deux, trois. Hein, ça... Voilà. Est-ce que tu te sens soulagé, la terre? Ah, mon Dieu. Alors, on peut pas commencer l'improvisation, ma belle, parce qu'on a parlé avec toi. Nous sommes très heureux d'avoir communiqué avec, enfin, celle qui nous supporte depuis autant d'années, nous, les bêtes. Les cons, les triples cons, les triples connes. Quoi, il y a des cons et des connes. Puis continue, malgré tout, à tourner. Ne t'arrête pas, même si je te l'ai dit tout à l'heure pendant quelques secondes. Il ne le faut pas. Écoute pas les rangs rénaldiens, mais surtout, reste fidèle. Continue à nous écouter parce que tu es syntonisé, toi, là. Hein? T'es branché sur le 89.1 à Québec. Hey, y'a, connais-tu la musique? We got that. light, the energy is solar. It's the power between you and me. I can feel something's taking over. I'm not myself these days. It's the light, the energy is solar. It's the power between you and me. It's the bass, it's the drop by breaking my body. Cette femme ou à cet homme de ne pas faire se battre pour toi. Et donc du coup, moi je me bats mieux pour moi. En même temps, c'est plus que c'était. En même temps, le disque n'est plus ce qu'il est. En plus, maintenant, le disque n'est plus ce qu'il est. Ouais. Et moi, personnellement, ça me gêne pas parce que moi, j'ai jamais été une amoureuse. Alors, je respecte tous ceux et je vais hurler ceux qui sont amoureux du disque. Moi, je m'en fous des pochettes et pourtant, je fais de très beaux légers pochettes et j'adore faire des pochettes. En général, mes pochettes sont très soignées, je prends beaucoup de plaisir à ça. Mais moi, comme je suis quelqu'un de très allergique, que ce soit les livres, tu sais, au bout de 3 ans, j'ai des allergies parce qu'il y a ce qu'on appelle la poussière mitée. Donc, moi, des petits pucerons de. Non, c'est la poussière mitée, c'est un truc particulier auquel je suis allergique. Et donc, je préfère télécharger. Oui. Garder sur ton disque dur. Sur mon iPod et sur mon disque dur, j'ai ma librairie, j'ai ma musique, et du coup, je peux partir en voyage où je veux. Ça tient. Ils te suivent. Ils me suivent. T'imagines si je devais emmener tous mes disques, tous mes livres. Oui, c'est pas possible. Oui. Donc, et en plus, quelque part, nous, en tant qu'artistes, on est mieux payés quand des gens achètent sur un MP3 que un disque. Parce que ça nous coûte cher de fabriquer. Oui, c'est vrai. Et en plus, quand tu es dans une maison de disques, tu ne touches que 8% du prix de gros. Alors, avant de pouvoir en vivre, imagine un peu. C'est pas possible. Incroyable. Alors, en plus, le disque se vend plus. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai ma boutique sur Internet. En ligne, oui. Et les gens viennent acheter. Ou dans les magasins français. DVD ou CD ou tout. Ouais. J'ai tout, mais tout ce que j'ai est en même les vieux trucs. Sont boutique pas en direct. Boutique en direct. Voilà. Et puis ça n'empêche pas que je sois en vente sur Fnac.com ou sur iTunes, partout. J'ai des relais partout et dans le monde. Et là, il y a justement l'Amérique latine. iTunes va s'installer en Amérique latine. Il faut absolument développer le projet aussi en Amérique latine. Et c'est toi qui vas travailler. Bien sûr, c'est moi. Ok. Pour être visible un peu partout sur la planète, en dehors de la francophonie. Mais ce qui m'a permis quand même de pouvoir être autonome, parce que ça coûte de l'argent de monter, de fabriquer un disque. Ouais. Maintenant, un peu moins, mais bon, à l'époque, c'était compliqué. Et ce qui m'a permis, c'est qu'en fait, j'étais voir un exportateur à Paris, okay. japonais, oui. en lui disant, bah, écoute, voilà, moi, je suis la chanteuse Robert. J'ai vendu beaucoup d'albums sur mon premier album parce que j'étais signée par Epic Japon. À l'époque de Sine, parce que ça n'a pas été vendu, ils ont blacklisté ça en France, mais au Japon c'est vachement bien vendu. Elle se promène, a fait un tube, donc bon, voilà. Donc je dis, si tu me fais suffisamment de préachats dans les boutiques, moi je fabrique le disque. Okay. Et je dis, bah, j'attends que tu me téléphones et tu me dises le nombre de préachats que tu me fais. Et je vais presser. Et si tu me donnes un chiffre suffisant, bah, je peux fabriquer mon disque. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Et là j'ai pu monter mon label. Grâce à ça. Grâce à ça. Grâce aux demandes. Grâce aux demandes japonaises. Et au Japon, t'es une méga vedette, t'es un peu comme Jeanne Dufresne. Jeanne Dufresne là-bas, c'est. Bah, si tu veux, effectivement. Alors, je sais pas en ce moment parce que moi, j'y suis jamais allée, mais je sais que Michel Gondry avait raconté que. Alors, bon, c'est quand même Michel Gondry, tout oui. le monde voit. Ah, oui, hein, oui, oui, oui, que tout le monde connaît ouais. ici. Et la première question qu'on lui pose quand il va au Japon, la première question qu'on lui pose, c'est. Alors, il paraît que vous connaissez Robert. C'est juste rigolo, quoi. Ça l'a juste fait rigoler. Il dit, mais surtout ici, bon, je suis ici depuis 8 jours, je rencontre des artistes et je dis, bon, on me dit qui tu vas rencontrer. Je dis Robert. Ben écoute, Monsieur Péchin, Yann, le guitariste, m'a dit, ah, tu lui diras bonjour. Burgala m'a dit, ah, tu lui diras bonjour. Alors, c'est une grande famille. Mais oui, mais dans le métier, je suis extrêmement connue. Oui. Et dans l'underground aussi. Oui. Oh oui, exactement. Voilà. Et Yann a travaillé avec Brigitte Fontaine en passant. Il travaille encore avec Brigitte Fontaine, Yann Péchin. Mais Brigitte Fontaine. Oui, c'est un monstre sacré. mais toi, qu'est-ce qui te plaît chez elle? C'est sa folie. Moi, ce qui me plaît chez elle, non. Alors, on peut dire sa folie, non. Je me sens proche d'elle. C'est-à-dire que quand j'écoute ses textes, je ne l'ai jamais rencontré en vrai. J'en ai pourtant rencontré beaucoup des artistes. Je l'ai jamais rencontré en vrai, mais je sais pourquoi elle écrit ça. Ok. Quand elle écrit La nuit est une femme à barbe, je peux te dire pourquoi elle parle de croûtons et de petits lardons. Et tout ça, je le ressens. Moi, je suis une insomniaque comme elle. Il y a plein de choses qui font que je la ressens. C'est presque ton alter ego. Un peu. Mmh. Alors, c'est très prétentieux parce que je suis tellement petite par rapport à Brigitte Fontaine. Mais si tu veux, cette femme, je la ressens. Je me ressens dans sa façon d'être. Et quand je vois sa façon de vieillir. Moi, je veux pas me faire lifter. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te reviens pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends en mot. Quelquefois un regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Si tu veux te la payer, viens. Je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit. On va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Oh, ma gueule, qu'est-ce que là? Chaque nuit blanche, chaque jour sombre. chaque cœur saigné et aride. Elle ne m'a pas lâché du nombre quand j'avais mal. Je m'en fous qu'elle soit pâle. Au moins, elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, qui me laisse crever toute seule. Mais je ne veux même plus en parler. Une qui se fout bien. Avec ma voisine d'étage, la situation est simple, mais comment lui expliquer? Je ne pourrai pas toujours l'éviter ou faire le sourd. C'est la peur et les vapeurs, scotché j'attends mon heure. La clé dans la serrure du portail de l'immeuble, comme un demi-tour. Son pied dans l'encadreur de la porte, elle part faire ses courses à Carrefour. Je surgis promptement, me voici sur le palier. C'est maintenant ou jamais. Je vends ce carton, mon Wada, t'es raté. Je sais que c'est ouf, avec les stars je me bourre. T'avais pas vu Lilian, que c'est par l'ascenseur. La galette qui se promène, c'est un vrai cratère. J'ai des problèmes de langage. Ça vaut pas le bas plus dans ceux qui fouettent de la gueule. Avec ma voisine d'étage, je suis sûr que ce cum, il bouffe des tétards. Suis un grand silence qui suspend le temps. La voisine claque. La porte est blanche. Des problèmes de langage avec ma voisine d'étage. Les jours, les semaines passent. Comment faire pour lui parler? Nous en sommes à un point tel que j'hésite à prendre l'escalier. Il faudrait que je sois sûr de trouver l'idiome qui assure. La clé dans la serrure du portail de l'immeuble, comme un demi-tour. Son pied dans l'encadreur de la porte, elle part dans ses courses. Je surgis promptement, me voici sur le palier. C'est maintenant ou jamais. Je bombe ce carton, je suis pas baltringue, mais je kiffe. Tu plaques à pas de chine, on m'a qu'est vraiment qui brille. Passez-moi votre feu, je vais pas vous l'endormir. On m'a carotté le mien, c'est le raclo du cinquième. J'ai des problèmes de langage. C'est Lucas le daron qui est foutu comme un golemon. Avec ma voisine d'étage, je suis sûr que ce calme, il crache dans le vide d'ordure. Le dur de ce carton, y'a un gars rempli de singes. Sarmel qui se déhisse, il se la pète avec ses choux. Je ne m'étonne pas, il me dit dose, mouka, toi tu t'arraches. Gâteau, le bouillot, crois que je vais le dépouiller. J'ai des problèmes de langage. Trop hoche, le trifon, il m'arrave, mais il nous wave. Avec ma voisine d'étage, je suis sûr que ce thème, il ken dans les voitures. Je suis un grand silence qui suspend les temps. La voisine claque. La porte est blanche. Problème de langage avec ma voisine d'étage. Je suis sûre que ce thème, il crache dans le vide d'ordure. Je suis sûre que ce thème, il ken dans les voitures. J'ai des problèmes de cirage. Avec mon tube de dopage. Je suis sûre que ce thème, il ken dans les voitures. J'ai des problèmes de langage. Je suis sûre que ce thème, il crache dans le vide d'ordure. Je suis sûre que ce thème. elle non plus. Moi, je veux pas être une fausse fille. Hein. Une fausse personne. Et je vous emmerde, si vous le faites, mais moi, je suis authentique et je vous encule, elle dit. Oui, à la fin, oui, exactement. Elle finit par je vous encule. Oui. Et moi, c'est pas que je vous encule, c'est juste que vous m'aimez, ben, si un jour on dit « Ah putain, elle a pris un coup de vieux, Robert bon, !» Mais j'ai dit, mais heureusement, ça veut dire que je suis pas morte. Oui, oui. C'est une chance. Oui. Profitez-en, alors, je suis pas morte. Mais t'es authentique, donc tu veux pas cacher ce que tu es. Mais non, mais c'est surtout qu'en plus, on me dirait, attends, faut que je sois honnête. Oui. On me dirait, voilà, il y a une pilule qui va t'empêcher de vieillir. Oui. Mais je la prends. Ok. Simplement, tu regarderas que sur le pourcentage de femmes qui sont liftées, combien se font rater. C'est ça qui était. Ben moi, on me dirait que tout va être cohérent, ça va. Mais t'as une tête super lisse et puis t'as les mains qui font vieille et puis t'as le corps qui va pas avec. Ça me fait juste peur. Ou sinon, c'est très cher là, si tu fais l'intégralité. C'est... Mais ça marche même pas parce que ça marche pas à la longue, on voit, et c'est même gênant à regarder. Oui. Tu es gêné. Ben surtout, tu te dis, moi je m'en rends compte, j'espère qu'elle s'en rend compte, hein, qu'elle a été étirée. Non, elles se sont mieux, elles se sont plus heureuses, et ça c'est important de respecter. Oui, mais en même temps, toi tu vois que c'est pas vrai, donc tu te sens mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise, et comme moi je suis mal à l'aise, j'ai pas envie de rendre les gens mal à l'aise, et je suis la première mais à tu veux pas te cacher non plus. J'ai pas envie de me cacher, c'est ça. Mais je suis la première à regarder mes rides, moi je vais avoir 48 ans à la fin de l'année, je veux dire que... Mais ça paraît pas. Oui, peut-être, mais... Mais moi j'en ai 45, donc non, mais tu ça vois, paraît pas non plus. Ça paraît pas non plus du tout non. chez toi. Hein. Non, peut-être mais non plus. Il n'empêche que ça fait peur, hein, et qu'on se dit merde... Toi la vieillesse c'est quelque chose qui te... Ah ouais, ça me fait peur, hein, parce que j'ai pas envie, je suis une femme, ça vieillit, un homme, ça mûrit, je le sais. Et c'est vrai que ça fait chier, mais en même temps, je suis née femme, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc, moi je vais vieillir, je vais pas mûrir, je vais vieillir, il va falloir m'accepter comme ça. Puis on va mourir aussi. Et puis aussi on va mourir, et ben c'est comme ça. Est-ce que dans ton nouvel album, il y a des chansons qui t'ont demandé plus de travail au niveau de l'écriture parce que tu sentais que ça venait pas ou que ça venait chercher quelque chose de trop profond? Si ça vient pas, j'écris pas. Ok. Si c'est trop profond et que j'écris pas. Est-ce qu'une chanson sur cet album-là qui est quelque chose d'être très personnel, de très ressenti? Elles le sont toutes, hein. Oui. Elles le sont toutes. Il y a peut-être juste une chanson pour l'anecdote qui a été écrite un peu entre guillemets par-dessus l'argent, mais pas au niveau psychologique. Ouais. J'y ai mis tout mon cœur. Okay. Mais en fait, au moment de faire le pressage de l'album, j'ai réalisé que j'avais un album trop court au niveau temps. Okay. Et j'ai dit à Mathieu, bon, attends. Trop court, c'est-à-dire? Au niveau temps. Ouais, mais combien de temps? Je sais pas, il faisait 42 minutes. Pour toi, c'est très trop court. Ça faisait un peu court. Je dis, il faudrait qu'on rajoute 3 minutes. Histoire hein. de Melody Nelson, 28 minutes. Histoire de Melody Nelson. Oui, mais... Ouais. Oh, oui. En tout cas, pour toi, c'était trop court. Je me suis sentie gênée. Okay, okay. Et je pense aux gens qui achètent et qui attendent. Et tout ça, et je me dis, il manque une chanson. Et, okay. Et je lui dis, mais tu te rappelles pas cette chanson qu'on a toujours voulu faire et j'ai jamais osé parce que je l'aime tellement. Je me sens pas à la hauteur de l'écrire et puis je me dis que je vais pas avoir la magie de cet humour-là. Et c'est une chanson à la fois qui a de l'humour et puis en même temps qui dit des choses profondes tout en étant très drôle. Comment je fais je la fais pas. Puis lui, il se lance quand même, il m'écoute pas, il se lance sur la musique. Et ça m'a créé le déclic et je l'ai écrite. Et c'est la révolution. Okay. Ah oui, ok. Alors c'est la dernière chanson. Mais je l'ai écrite, mais... quelques jours avant notre passage, quoi. On l'a écrite, on l'a enregistrée et c'est parti à l'usine. C'est quoi. Vraiment presque à capelle, là. Ouais, ouais. Non, parce qu'il a fait ça très très bien et okay. Il travaille très vite comme moi et simplement on n'a pas eu de recul cette chanson. Et quand tu la réécoutes, t'en es très fier parce que c'est une chanson qui cogitait depuis longtemps. Ça fait 20 ans qu'elle cogite. Hein. Ça fait 20 ans qu'elle cogite cette chanson. Est-ce que tu l'as fait sur scène? Mais je l'ai pas encore chantée sur scène. Ok. Hein. Ok, et c'est à venir? Ben bien sûr. Ok, mais lorsque tu fais le duo avec Anthony Delon, le moment où tu... Alors quand j'ai appelé Anthony, justement, ouais, ouais. Parce qu'Anthony, je le connais pas, moi. Mm-hmm. Il me connaît pas parce que Robert, je sais pas s'il connaissait Robert, tu vois, il est dans le cinéma, donc la chanson, c'est quand même un milieu particulier. Mm. Et donc, je me suis arrangée, parce que je suis une fille qui est très dérouillarde, pour avoir son numéro de téléphone perso. On appelle ça ratoureuse. Hein? Ratoureuse, chez nous on dit une ratoureuse, c'est quelqu'un qui arrive à ses fins, mais d'une manière détournée, une ratoureuse. Voilà, donc je me suis débrouillée pour avoir son numéro perso, portable. Et je me suis dit, bon, je vais me faire jeter, mais c'est pas grave, de toute façon, qu'est-ce que je vais perdre? C'est ça. Ah. love to squeeze that. Love to tease that. No one else can have my Dinah, 'cause my Dinah is a minor. Pretty Dinah, pretty Dinah. Bonnie Marone and Peggy Sue, and gals that are so very true. But with my Dinah, I sure knew there's nothing for me she wouldn't do. Oh, that's my Dinah, pretty Dinah. My own Dinah, pretty Dinah. And there's no gal I know can beat her when it comes to being sweeter. Transparent, opaque, se dégrave tout. Je l'appelle, j'étais toujours plus en Transylvanie, donc je l'appelle. Et je dis oui, bonjour, je m'appelle Robert. Alors déjà, la fille qui t'appelle de Transylvanie qui s'appelle Robert, parce que ça se voyait son nom. Hein. Okay. Il me dit ouais, mais t'es qui? J'essaie d'expliquer, je suis une chanteuse, voilà. Oui, alors j'avais envie de faire un duo avec toi, enfin avec vous. C'est toi. Non, c'est pas grave. Non, tu peux te répondre, je coupe au montage. Hey, Sylvain, tu te tais. Ok. Je lui dis, va sur les sites internet, comme ça tu verras à peu près ce que je fais. Et il a voulu que je lui donne ça, les coordonnées. Sites, mais comme ça, il a mal noté, et il est tombé sur les sites de cul, il me rappelle en me disant, mais c'est quoi, tu te fous de ma gueule, c'est les sites de cul. Je dis, attends. Je m'appelle Robert. Oui, c'est vrai, j'habite en Transylvanie. Non, vas-y, je... Ah non, blacklisté. Okay. Ok. C'est pas la même personne. Ah. Alors, j'aurais pu... Bon, la prochaine fois, tu peux... Non, j'aurais pu lui dire... J'aurais pu me servir de ça pour justement dire que je blackliste pas, mais que voilà. Ok. Je sais ce que je disais. Non, tu parlais d'Anthony Dallant, tu l'as appelé, oui, et donc, il est tombé sur des sites. Voilà, et je lui dis, écoute, non, c'est pas... Je ne me moque pas de toi, je suis vraiment une fille. Je suis vraiment une fille, mais t'as qu'à l'éteindre ton portable. Je suis vraiment une fille, je chante vraiment des chansons. Le mieux, c'est que je te donne mon mail, tu m'envoies le tien, parce que j'ai ton téléphone, je peux pas avoir pire. Et puis là, je te donne mes liens, comme ça, tu n'auras plus qu'à cliquer dessus. Et donc, c'est ce qui se passe. Il clique et il me dit, bah dis donc, moi j'aime vachement ce que tu fais. On se donne rendez-vous à Montparnasse, forcément. Ici. Hein, voilà. Et donc on se donne rendez-vous. Et j'avais pas encore, parce que ce que je venais d'écrire le texte, quand il est passé à la télé, moi j'ai pas eu le temps d'avoir mis ça en musique, on n'avait même pas fait la maquette. Et je lui montre le texte en disant voilà, j'ai écrit ce texte-là pour faire une chanson. Et il lit le texte, il me dit, putain, t'écris super bien, il n'y a rien à toucher, c'est parfait. Et ben je dis, écoute, bon, t'es vraiment d'accord? Il me dit ouais. Et il est tellement d'accord que ce mec, on a fait le truc comme ça. Il m'a fait totalement confiance. Il nous a fait totalement confiance alors qu'on est indépendant, on n'est pas dans une maison de disques. Ouais. Il a toujours pas signé le contrat. Ok. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que quand tu travailles avec des gens qui sont à un certain niveau et qui ont la classe, c'est la parole. Oui. La parole, elle a la valeur. La bureaucratie n'a pas de. Voilà, tu vois, je veux dire, on a autre chose à foutre. Oh, effectivement, je comprends qu'en ce moment, il est dans d'autres miens, parce que vous allez voir s'il a fini par mettre cette signature en bas de la page. Quoi. En fait, lui, il ne voulait pas savoir son pourcentage, il s'en foutait pour perdre son projet. Dis-moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de me faire de l'argent, il ne se fera pas de l'argent avec ça. Non. Hein, bon, il y a d'autres moyens de se faire de l'argent, Anthony. Oui, hein. Oui, dans la musique. Bon, voilà, mais donc, dis-moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des choses qui me plaisent. Qui me passionne et là, de collaborer pour quelqu'un. Voilà, ouais. Il dit, moi j'ai un coup de cœur pour ce que tu fais, mais j'ai écouté, ça tombe bien, parce que moi j'ai un coup de cœur pour toi. Je te connaissais pas plus que ça, parce que Anthony, tout le monde te connaît, mais bon, moi avant de te voir vraiment sur à la télé, quand tu te fais de la gueule de ton père et de ta soeur, et de toi aussi, je trouve ça génial. La menteuse, la voleuse, la valeuse, la tricheuse, l'emmerdeuse, la chieuse. Tu n'es pas tout ce qu'on dit de toi, la la la la la la. Tout ce qu'on dit de toi, mais toujours nickel, belle, même immortelle. Tout ça, mais pas en ce qu'on dit de toi, la la la la la la. Tout ce qu'on dit de toi. Je les tuerai sans gêne. S'ils te font de la peine, je les tuerai sans gêne. Un jour, une nuit, je t'emmènerai loin d'ici, si jolie. Et tu verras là-bas ce qu'on dit de toi. La la la la la la. Ce qu'on dit de toi. La voleuse, la râleuse, la tricheuse, l'emmerdeuse, la chieuse.